Voici votre bulletin régional. La ville de Istengis annonce un barrage routier le 28 juillet à l'intersection des rues Ingis Nord et Saint-Jacques entre 10 et 14 heures. Le 29 juillet à 20 heures, à l'église Trinity de Crookshire, sera présenté un concert de la série Harford sur la route du Festival Harford 2015. Concert classique d'été, gratuit pour tous.